Dossier 6. Leçon 2. Questions pour un voyage. Activité 8. 1. Cette ville est située dans le sud de la France, à l'ouest de Marseille et à l'est de Toulouse. La mer Méditerranée est à 20 km. 2. Cette ville se trouve sur la côte atlantique, au sud de la Vendée, en face de deux petites îles. 3. Cette ville est située dans les Alpes, dans le sud-est de la France. Elle se trouve entre les départements des Hautes-Alpes et de la Drôme. 4. Cette ville se trouve dans l'est de la France, à côté de la Suisse et à l'est de Dijon.